C'est l'histoire d'un bon petit gars qui croyait réussir sa vie. Il a bossé comme un malfrat pour se retrouver au RMI. L'a pas supporté la pression, s'est réfugié dans les bistrots. À grande tournée de pression, s'est mis en bière au grand galop. Il a perdu femme et enfant, reste sonné sur le pavé. Un pont comme seul appartement, c'est pas grand chose en vérité. Des cocufieurs assermentés lui avaient tenu des promesses, celle de délocaliser et de se tailler sans laisser d'adresse. Indigent n'est pas un crime, même pas une fatalité. À force de côtoyer l'abîme, il pourrait bien se réveiller. De cette armée de simples gens, serait bon-ton de vous méfier. Ça risque de n'être plus marrant le jour où la roue va tourner.